Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par le centre d'information Europe Direct de Colombey-les-Belles. Aujourd'hui, on aborde la question du budget européen pour 2019, mais avant cela, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs voeux aux auditeurs de Radio Fagette pour 2019. Santé, amour, bonheur et paix, le tout sans modération. Bonjour Camille et bonne année. Alors une première question déjà, comment le budget est-il voté ? Alors, chaque année, la Commission européenne, elle propose un budget pour l'année suivante. Celui-ci, il est ensuite amendé par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe donc les États. Les négociations, elles sont généralement longues, hein, Commission et Parlement étant généralement favorables à une hausse, tandis que les États membres, les premiers contributeurs au budget, y sont plus réticents. Le cadre financier, donc pluriannuel, lui, est adopté selon la même procédure, mais tous les 7 ans. Cela permet d'assurer d'une manière, on va dire optimale, une planification et un alignement sur les priorités de l'Union européenne. Comment se décompose le budget européen ? Alors, le budget européen, il est réparti par politique. Le montant dédié à chacune, il peut légèrement varier d'une année sur l'autre, en fonction du vote des institutions européennes. Mais on va dire qu'une majeure partie des dépenses européennes est toujours consacrée à la politique agricole commune et à la politique de cohésion. L'objectif de ces politiques, c'est de réduire les inégalités régionales et sociales au sein de l'Union européenne. Cet objectif de convergence des économies, il est d'ailleurs inscrit dans les traités européens. Il faut savoir que ces deux politiques, elles représentent tout de même plus de 70% du budget européen. Viennent ensuite le financement de la recherche et de l'innovation, la politique de voisinage et d'élargissement, le soutien au transport, l'aide au développement, l'éducation et la culture, dont fait partie le programme Erasmus+, l'économie ou encore la politique migratoire, dont les dépenses ne cessent d'augmenter. Ce budget est donc intégralement récupéré par les États membres ? Oui, 94% de ces dépenses européennes, elles reviennent aux États membres. Le reste, à peu près 6%, est consacré aux dépenses de fonctionnement, donc qui sont essentiellement les frais administratifs des institutions européennes. Chaque pays participe au budget en fonction de sa richesse nationale et en reçoit une partie en retour. C'est le principe de solidarité. La différence entre ce que verse et ce que reçoit un État au budget européen, ça se traduit en une contribution ou un bénéfice net. Certains pays reçoivent plus que ce qu'ils ne donnent, d'autres moins, selon un mode de fonctionnement en accord avec les traités européens. Et quels sont les principaux bénéficiaires du budget européen ? Alors, si on prend les chiffres de 2007, la France est le pays qui a reçu le plus haut montant de l'Union européenne, à peu près 13,5 milliards d'euros, suivi par la Pologne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et les contributeurs et bénéficiaires nets au budget européen ? Alors, si on prend les chiffres alors là de 2016, l'Allemagne, contributeur net avec moins 8,6 milliards d'euros, la France avec moins 3,2 milliards d'euros et le Royaume-Uni étaient les principaux contributeurs nets au budget de l'Union européenne. À l'inverse, la Pologne, la Grèce et la Roumanie étaient les pays qui bénéficient du solde budgétaire positif le plus important. Et pour 2019, quel est le montant du budget européen ? Alors, en 2019, le budget européen s'élève à 165,8 milliards d'euros, donc en crédit d'engagement, donc ce qui représente une augmentation de 3,2% par rapport au budget de 2018. Il s'inscrit dans un cadre pluriannuel, donc fixé pour 7 ans, et qui détermine les montants maximum que l'Union européenne elle peut dépenser chaque année dans différents domaines. Ce budget européen il s'élève à 963,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Et juste une petite information, donc ça représente à peu près un coût pour les Européens d'un café par jour par personne. On va marquer une petite pause, le temps de boire un café et de voir un petit souvenir musical avec ABBA et Money, Money, Money. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Thank you. a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre d'information Europe Direct de Colombey-les-Belles. Aujourd'hui, on aborde la question du budget européen pour 2019. Et peut-on dire que l'Union européenne dispose d'un budget important ? Alors oui et non, hein. Le budget de l'Union européenne, ça représente un peu plus d'1% de la richesse produite chaque année par les pays membres de l'Union européenne. En 2016, le PIB total des 28 membres de l'Union européenne, il était de 14 800 milliards d'euros. À titre indicatif, et même si ces montants ils sont difficilement comparables en raison de compétences très différentes, le budget des États-Unis prévoit 3 325 milliards d'euros de dépenses et 2 968 milliards d'euros de recettes en 2018. Pour la France, le budget de la même année il s'élève à 386,3 milliards d'euros de dépenses nettes et 302 milliards de recettes nettes. Et nous avons parlé des dépenses, mais qu'en est-il des recettes ? Alors, le budget européen, il est financé par différents types de ressources. L'Union européenne, elle ne prélève aucun impôt elle-même. La ressource RNB, donc pour revenu national brut, c'est la principale manne financière de l'Union européenne puisqu'elle alimente les deux tiers du budget, donc à peu près 71% en 2018. Chaque État membre y verse ainsi une contribution calculée en fonction de son poids économique. Ensuite, les ressources propres traditionnelles constituent environ 16% des recettes totales. Elles se composent principalement de droits de douane, donc qui sont perçus sur les importations en provenance de pays tiers. Enfin, la ressource TVA, donc elle contribue à 12% des recettes. Il faut savoir qu'à peu près 0,3% des recettes de TVA perçues par les États membres vont au budget européen. Le reste, environ 1%, provient de taxes versées par le personnel de l'Union européenne sur ses rémunérations, de contributions de pays tiers à certains programmes européens, d'amendes infligées aux entreprises qui enfreignent les règles de concurrence ou d'autres lois, ainsi que du solde de l'exercice précédent. Quelle est la particularité du budget européen ? Eh bien, contrairement aux États, le budget de l'Union européenne, il doit équilibrer les dépenses et les recettes et ne prévoit pas de déficit, ce qui est toujours un peu problématique dès qu'une crise apparaît. Et pour 2019, quelles sont les politiques qui bénéficient d'une augmentation de budget ? Alors, 5 grands domaines ont été privilégiés pour ce budget. La jeunesse, l'emploi, l'innovation, la sécurité et la défense. Le programme Erasmus+, il va bénéficier, grâce au Parlement européen, de 240 millions d'euros supplémentaires. Donc, ce qui fait passer le montant de son budget à 2,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 20% par rapport à 2018. Parmi les autres hausses notables, 12,3 milliards d'euros sont alloués au programme pour la recherche et l'innovation Horizon 2020, soit une hausse de 10% par rapport à 2018. 350 millions d'euros supplémentaires seront alloués à l'initiative pour l'emploi des jeunes qui soutient l'arrivée et le retour sur le marché de l'emploi des jeunes des régions qui présentent un fort taux de chômage. Merci Camille, on retrouvera bien sûr cette émission podcast sur le site fadjet.net et on se retrouve prochainement. Merci, à bientôt. Europe On Air avec les centres Europe Direct. Une émission réalisée par Christelle et Citoyens et Territoires. Pour plus d'informations sur nos structures, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Radio Fadjet, www.fadjet.net.